bouge-toi un peu, regarde autour de toi, prends tout ce que tu peux, mais pas n'importe quoi. Personne viendra t'aider ni te chercher. Vis ton rêve, allume toutes les mèches. Wow. Flatte les sens, vois la vie autrement. Rapproche les distances et saute les pieds devant. Crève l'abcès de ton immobilité et révèle à l'esprit tous tes secrets. Wow, wow. Arrête de rêver pour exister. Les jolies choses. Ose le premier pas et entre dans la danse. Accorde ta voix et tes pensées et laisse le rythme entrer sans.